Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, vous qui vous nous rejoignez dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on parle de nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Comment ça va ma chère Sophie ? Eh bien écoute, pas trop mal, quelques modélisations en ce moment en cours sur des oiseaux, mais sinon tout va bien. Et des terribles mice qu'on a évoqués en off, qui sont des schémas un peu compliqués que seuls les écologues se targueraient de comprendre. Et des encore. Des mice, moi je suis plus dans les vortex, mais voilà, bon, après, à vous de voir. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va pas partir sur des modèles parce qu'il me faudrait plus que juste un podcast pour vous l'expliquer. Je pense qu'une vidéo serait nécessaire. On va partir sur des vanneaux IP aujourd'hui pour faire un peu plus sympathique quand même. Et moi, je pense que je vais commencer par vous parler des collisions des oiseaux et des vitres, qui est un énorme sujet. Vous le savez tous et toutes, vous avez forcément, si vous avez un jardin, ou même pas d'ailleurs, suffit juste d'avoir un lieu en hauteur, un immeuble effectivement, d'avoir des collisions avec des fenêtres. Et du coup, on va partir sur une étude qui date tout d'abord, enfin c'est pas vraiment une étude, c'est plus une review d'étude de 2014, avec Scott Loss et son équipe qui ont publié un papier dans The Condor, qui est un peu la revue ornithologique aux États-Unis par excellence, très ancienne d'ailleurs, The Condor. D'où le nom d'ailleurs. Exactement. s'est basé sur 23 études pour estimer la mortalité annuelle due aux collisions contre les fenêtres aux États-Unis. Et basé sur 23 études, ils sont tombés sur des chiffres qui sont effarants, bien sûr, qui sont compris entre 365 et 988 millions d'oiseaux qui meurent chaque année. On parle de chiffres de 2014, les chiffres se sont un petit peu affinés par la suite, mais grosso modo, on retient qu'on a à peu près entre 550 et 600 millions d'oiseaux qui meurent chaque année dû à des collisions avec les vitres, ce qui est énorme. C'est loin d'être la première cause de mortalité. La première cause de mortalité, Sophie, tu la connais, moi aussi, ce sont les chats qui tuent aux États-Unis. Là, on a uniquement les chiffres aux États-Unis, donc ce sont des chiffres qu'il faudrait aussi avoir pour d'autres pays de par le monde. Aux États-Unis, la mortalité due aux attaques de chats est comprise entre 1,1 et 1,3 milliards d'oiseaux par an. Et ça encore, ce sont des stats, c'est-à-dire que ça n'a pas été comptabilisé. Exactement, ce sont des statistiques qui sont réalisées. C'est pour ça d'ailleurs que certains pays interdisent tout simplement le chat à certains endroits, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour éviter justement ces disparitions d'oiseaux très, très alarmantes. Alors, en quoi cette étude est intéressante aussi? Elle estime à peu près le pourcentage de mortalité en fonction des différentes vitres, des différentes hauteurs que l'on peut trouver. Et là, ça va être assez finalement caractéristique des différents comportements des oiseaux, puisqu'on va avoir 56% de la mortalité qui va être faite à des très basses altitudes, 44% sur des résidences. Quand il parle de résidences, il parle aussi bien de maisons individuelles que de petits immeubles. Et on a environ 1% des oiseaux qui se fracassent contre les grosses tours qui font entre 200 voire 300 mètres de hauteur, ce qui est logique parce que la très très grande majorité des oiseaux n'ont pas besoin de voler à cette altitude, en tout cas les oiseaux que l'on trouve dans les villes. Donc c'est pour ça qu'on a un pourcentage extrêmement faible d'oiseaux qui sont comptabilisés ici. Et donc, Je vais arrêter de parler de cette étude que vous pourrez retrouver évidemment dans la description de la vidéo ou du podcast si jamais vous êtes sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Quelle est la chose à faire si on veut éviter qu'il y ait des collisions avec des fenêtres et des collisions mortelles, puisqu'on estime entre 55 et 75% le taux de mortalité de ces collisions, ce qui signifie qu'il y a un oiseau sur deux ou 3 oiseaux sur 4 qui vont décéder à la suite d'une collision avec une fenêtre. Eh bien, il y a une start-up polonaise qui a mis en place un petit système qui s'appelle le système Bird Shades. Bird Shades, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est un filtre qui est apposé sur des vitres. Une petite entreprise qui a été créée en 2019. Alors, j'ai dit Pologne, non, c'est Autriche. Mais l'étude dont nous allons parler d'ici quelques instants a été réalisée en Pologne. Et l'objectif de cette étude de 2022, j'étais un peu survendu le fait qu'elle était sortie cette année, mais non, en fait, elle est sortie en septembre. Elle est sortie en septembre dernier, qui s'intitule Ultraviolet Film Reduces Bird Glass Collision Risk. Eh bien, c'était de savoir si ces filtres fonctionnaient réellement. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils se sont rendus à des abribus, puisque ce sont généralement des lieux où il y a énormément de collisions, étant donné que on a deux côtés on a deux vitres qui sont parallèles et les oiseaux ont l'impression de pouvoir continuer en fait leur chemin vis-à-vis du traversée de cet abribus, sauf qu'en réalité bah ils voient pas la première fenêtre et ils finissent par foncer dedans. Donc du coup, on a à la frontière entre la République tchèque et la Pologne, différents abris de bus qui ont été pris dans des villes dont je ne me risquerai pas de donner le nom pour éviter de passer pour un idiot. Mais grosso modo, retenez qu'il y a des abris de bus sur lesquels on a appliqué évidemment ce filtre et des abris de bus qu'on dit contrôle, c'est-à-dire des abris de bus où on n'a pas appliqué ce filtre. Ils ont été 17 au total 15 à être contrôlés. Et ils ont contrôlé à peu près 170 fois sur une période allant de 2018 à 2021 pour savoir s'il y avait eu des records de collision qui avaient été réalisés. Et donc, en 2021, ils ont terminé cette étude qu'ils ont par la suite publiée et ils se sont rendus compte que ces filtres permettaient d'éviter à 80% le risque de collision avec les vitres, ce qui est énorme, 80%. Ce sont vraiment des chiffres extrêmement, extrêmement importants. Alors, on n'a pas parlé des filtres en question parce que Mais attendez, comment ça ? Mais en fait, c'est assez simple. Ce sont des filtres qui renvoient les UV. Étant donné que les oiseaux sont capables de voir les ultraviolets, et notamment les passereaux, eh bien, l'objectif était de faire en sorte que les passereaux puissent mieux distinguer les vitres dans des gammes, dans des gammes de couleurs, entre guillemets. On est entre 350 et 400 nanomètres pour éviter que les oiseaux se prennent les vitres. Et effectivement, il s'est avéré que les oiseaux ne se prenaient, ou quasiment plus ne se prenaient, les vitres de ces abribus. Et donc, Bird Shades a validé, d'une certaine manière, son procédé. Il y a un site, d'ailleurs, vous pouvez totalement vous y rendre pour pouvoir avoir davantage d'informations. Il n'y a pas énormément d'informations à trouver sur l'entreprise. Mais grosso modo, voilà un petit point intéressant qui, à l'avenir, pourrait nous permettre justement de pouvoir en savoir davantage par rapport aux collisions avec les vitres. Je rajoute deux informations importantes. L'équipe, entre 2017 et 2018, a fait des examens pour rechercher des abribus où les collisions pourraient être importantes avec les oiseaux. Donc là, on parle de recherches, finalement, qui ont été réalisées. Et ensuite, ils ont sélectionné 8 abris pour justement évaluer tout ça, et les autres abris, puisque j'ai dit qu'il y en avait 15, eh bien, ce sont des abris qui ont été témoins, puisqu'on n'a pas appliqué ce fameux filtre Bird Shade. Voilà pour les explications. C'est super intéressant tout ça, mais du coup, est-ce qu'on pourrait penser que peut-être à l'avenir, ce genre de coloration, de toute façon, ça, j'imagine que ça se voit pas, vu que c'est des UV, nous, on les voit pas, généralement. Donc, si on inclut ça, mettons, dans la fabrication des vitres, c'est quelque chose qui, pour nous, restera transparent, de toute façon. Ah, complètement. L'objectif, voilà, c'était de faire en sorte que ce soit visible pour les oiseaux, mais pas visible pour nous. C'est pour ça qu'ils prennent des gammes de couleurs allant de 350 à 400 nanomètres qui ne sont pas visibles pour nous, tout simplement. Ah bah super. Donc, bah, du coup, maintenant, j'attends la création des prochaines fenêtres birdproof avec ce 300, genre de filtre 300 à l'intérieur. À 400 nanomètres, pour être 300 précis. À 400 nanomètres. 300 à 400 nanomètres, effectivement. D'accord. Donc, du coup, voilà, on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Et oui, j'attends aussi des filtres. Donc, j'attends la commercialisation à grande échelle de ces filtres. Mais puisque là, on parle de panels, en fait, de qui font à peu près 30 cm qui sont répartis sur les vitres. Donc, c'est à l'avenir, peut-être, une solution... Une vraie solution, j'ai envie de dire, pour éviter les collisions avec les vitres. Alors, j'ai pas plus d'informations sur le fait de savoir s'ils s'adressent uniquement à des professionnels ou à des particuliers. Il y a un formulaire de contact, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à l'avenir, pourrait être extrêmement important à commercialiser pour éviter que les oiseaux ne finissent par passer l'arme à gauche. C'est sûr, voilà, parce qu'en ce moment, j'y pense là justement, mais on a d'autres trucs qui permettent d'éviter que les oiseaux ne se cognent dans les vitres, mais c'est généralement des choses comme des autocollants, des figures géométriques. Exactement, sur les vitres, enfin un moyen de casser un peu la vitre qui fait reflet, qui donne l'impression qu'il y a autre chose derrière, comme des arbres, des machins, des choses qui se reflètent dedans. Et du coup, on pose ces autocollants sur les vitres, mais ce n'est pas des autocollants qui, pour nous, sont invisibles. C'est des choses qui vont nous empêcher, nous, de voir à l'extérieur. Donc j'imagine que ce n'est pas très décoratif pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de mettre ça sur leurs vitres. Je peux comprendre. Mais du coup, avoir un truc comme ça qui est complètement invisible pour nous, ce serait quand même la meilleure des solutions, tout en protégeant les oiseaux. Nickel. Exactement. Effectivement, les autocollants qu'on colle sur les vitres, généralement, c'est un adage hein, qui dit que si on colle des trucs sur les vitres, bah, les oiseaux ne se cogneront pas dessus. Bah, on a quand même des signalements de personnes qui ont quand même collé des autocollants contre les vitres et qui ont des oiseaux qui se sont percutés. Mais ça marche aussi pour les volets. Hein. Moi, j'ai eu des oiseaux qui sont collisionnés avec des volets. Moi, j'avais un moineau domestique. Il pourchassait un mâle, je crois, et poum, c'est pris dans le volet. Ça peut arriver, effectivement, ça peut arriver, d'autant que la vision des oiseaux est très différente de la nôtre. Donc voilà, il y a aussi tout ça à prendre en considération. Donc voilà, une étude sortie l'année dernière qui monitore un petit peu tout ça, que vous allez pouvoir retrouver évidemment dans cet épisode, en tout cas dans la description de l'épisode. Voilà. Bah c'est super intéressant, mais je pense aussi en période de migration, ça peut être pas mal aussi pour tous ces oiseaux qui migrent pour éviter qu'ils se prennent des fenêtres dans des habitats qu'ils ne connaissent pas. C'est pas mal aussi. Ah oui, bah clairement. Après, ce qui est visé, c'est surtout les basses résidences, puisque c'est là où la mortalité est la plus élevée. Mais je crois qu'il y avait à Chicago ou à Détroit, je ne sais plus, il y avait quelque chose qui avait été mis en place sur les gratte-ciel et qui avait fortement fonctionné. Oui, donc faudrait que oui. Je retrouve le papier, mais je crois que c'est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, j'avais vu passer aussi. Et c'était pas mal du tout. Et puis aussi, il y a un autre effet, c'est que lors de la migration, bah, notamment aux US, hein, si on en parle, les villes étant tellement lumineuses, donc ça attire pas mal les oiseaux, ça les empêche des fois de s'orienter correctement, pendant la nuit en tout cas, lorsqu'ils volent. Et du coup, ils sont attirés dans ces villes qui sont très lumineuses, et une fois qu'ils y sont, ils ne savent plus trop se repérer, et c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de collisions qui arrivent avec des vitres, parce que c'est des oiseaux qui ne sont pas du coin, qui sont juste de passage, en fait, c'est des migrations, et du coup, ils se retrouvent piégés dans cette ville, ils ne savent plus trop quoi faire, et ils se prennent un peu dans un peu tout et n'importe quoi, et notamment dans les vitres, en pensant trouver un refuge. Et là, ça peut être pas mal, donc, à ce niveau-là, pour les migrations aussi, parce que bon... Diminuer la luminosité des villes, c'est encore un sujet un peu difficile pour pas mal de gens qui continuent à allumer. Je les vois tout le temps. Quand je passe dans les rues, souvent, par chez nous, il y a encore plein de bureaux qui sont allumés la nuit, il y a plein de choses comme ça, tu sais pas trop pourquoi ça reste allumé de nuit. D'autant que certains oiseaux, tu parlais des migrateurs, se servent hein, de ces points de vision justement comme des points d'étape pour ils pourraient se servir de montagnes ou de lacs ou de forêts. Ils se servent aussi de ces repères pour pouvoir entre guillemets prendre la bonne route migratoire. Donc c'est vrai. Y a aussi, mais c'est pas une raison pour laisser les lumières allumées la nuit. C'est pas une raison effectivement pour laisser les lumières allumées la nuit, mais on arrive progressivement. On va sur quelque chose qui nous, on le fait dans notre département, on a réduit de 30% l'éclairage public. Alors évidemment, il y a toujours des choses, des raisons de sécurité ou autres. Mais voilà, dans certaines parties de l'agglomération, on va peut-être tenter du 70% de réduction maintenant. Donc progressivement, on va arriver sur quelque chose. Ça prendra du temps, ça prendra trop de temps sans doute, mais ça va se faire, ça c'est... Petit pas, écoute, c'est déjà pas si mal. Exactement. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Parlons de nid, incroyable. T'as vu cette transition? Le vanneau IP. Si vous connaissez pas le vanneau IP, je vous encourage vraiment à aller faire une petite recherche vite fait sur Google ou sur n'importe quoi, essayez Ecosia si vous voulez. Donc le vanneau IP, c'est un petit oiseau qui est super mimi. Alors il a une petite huppe très jolie, il est noir et blanc avec des reflets un peu irisés sur les ailes. Et c'est un petit échassier. Ah ouais, c'est super mini, le vanneau. Oh. Moi, je trouve super mini. Oh, tu me le survends, là, je trouve. Moi, je trouve super mini. J'aime beaucoup les oiseaux qui ont une petite houppette en règle générale, donc lui, il me plaît bien. Ah, parce qu'il a plus un regard de killer que... Non, tout de suite. Même pas vrai. Mais c'est une petite boule de plume qui est vraiment pas très grande, ça fait une trentaine de centimètres, ça pèse entre 130 et mettons 350 grammes, donc c'est vraiment pas gros. Et ça a une longue huppe noire qui est très mini. Voilà. Et je le maintiens, c'est très mini. Et alors ce petit vanneau IP, il a quelques soucis en ce moment parce que c'est un petit échassier qui va nicher au sol, comme beaucoup d'échassiers qui va nicher au sol dans des milieux ouverts. Et qui du coup à cause de ça est particulièrement sujet à tout ce qui est prédation et puis aussi par l'homme hein, parce que lorsque nous on a nos activités humaines bah des fois on détruit les nids des vanneaux IP. Mais donc ils nichent dans des champs par exemple, voilà. C'est un peu un problème. Et donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la position des nids des vanneaux IP et comment est-ce qu'ils choisissaient le site pour mettre leur nid, leur petite cuvette qu'ils creusent, qui sert de nid, donc, au sol, pour les vanneaux IP. Parce que les oiseaux, ils sont pas bêtes, quand même. Ils ont 2-3 moyens d'arriver à choisir leur nid. Et notamment, pour les oiseaux qui nichent au sol, c'est très important, pour ces questions de prédation, et pour être sûr que le nid est bien protégé, vu qu'il n'aura pas vraiment d'autres systèmes de protection que les parents qui vont le garder, et puis peut-être son camouflage, quand il sera au sol, au milieu des herbes, mettons. Donc ces chercheurs se sont intéressés à comment est-ce que le vanneau IP choisit l'emplacement de son nid. Et pour ça, ils ont utilisé une technique très moderne de reconstruction 3D. Et je trouve ça assez génial, moi, d'inclure... ouais, c'est trop bien. D'inclure les nouvelles technologies dans toutes ces nouvelles publications, toutes ces nouvelles recherches, parce que vraiment, ça prouve qu'on est en train d'avancer et on est en train de se poser des bonnes questions, en quelque sorte. Là, par exemple... Il y a vraiment des questions... Assez... Si, on parlait des drones, mais on se pose de plus en plus de questions sur le bagage, sur l'utilisation des caméras, sur... Vraiment, il y a une vraie réflexion qui s'entame, je dirais, depuis 1-2 ans sur, entre guillemets, l'éthique dans l'ornithologie, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ça aussi, oui, effectivement. Ouais. Hein, je suis tout à fait d'accord. Mais là c'est... On est plus parti sur une histoire d'utilisation de la technologie pour la recherche, en l'occurrence. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que vous savez, tous ces petits logiciels qui vous permettent sur votre portable, il y en a comme ça qui sont pas mal, qui vous permettent de prendre une photo et ensuite de la convertir en truc 3D. Il y en a maintenant qui font ça sur le portable. Okay. Bon, c'est un peu les nouvelles technologies et tout ça, mais là, ils ont utilisé ce genre de trucs. Alors, pas les petits logiciels basiques que vous avez sur le portable, hein, des trucs un peu plus, un peu plus sérieux quand même. Mais ils ont pris des photos de nids, donc de ces vanneaux IP, et ils se sont amusés derrière à reconstituer en 3D la géométrie de ce nid avec les plantes qu'il y avait autour, avec la dimension de la cuvette, sa profondeur, son élévation, etc. Donc ils sont partis sur une reconstruction 3D de tous ces nids qu'ils ont pris en photo. Ils en ont pris plus d'une centaine en photo, comme ça, qu'ils ont reconstitué en 3D. Et le but de cette reconstruction 3D, c'est pas juste de s'amuser, pour regarder, on a utilisé les mêmes technologies ou quoi. Non, pas du tout. Ça aurait pu. Hein. Regardez, nous sommes jeunes. Comment nous faisons des trucs trop hype, nous. Non, c'est pas ça du tout. Ils sont partis sur... on va essayer de se mettre à la place du prédateur, à la place du truc qui pourrait venir manger les œufs, ou à la place du vanneau IP lui-même, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le vanneau IP a choisi ce site de nidification-là, cette cuvette-là. Et en observant tout ça, et la végétation qu'il y avait autour, enfin bref, les dimensions du nid, etc., ils se sont rendus compte que les nids étaient placés de manière optimale pour éviter la prédation par des petits carnivores, ou par des trucs qui n'étaient pas très hauts au niveau du sol, en fait. Et donc, les nids et la manière dont ils étaient situés étaient formidables pour les cacher à la vue de tous les petits prédateurs qui pourraient venir manger les œufs, en fait. Ils se servaient de la géométrie de l'habitat autour d'eux pour camoufler le nid. Et ça, c'est quand même incroyable. Impressionnant. C'est incroyable. Et en fait, ils se sont rendus compte, du coup, en testant et en regardant quel nid était plus prédaté que d'autres, ils ont essayé de trouver les meilleurs paramètres pour faire son nid lorsqu'on a un vanneau huppé. Et donc, les meilleurs paramètres pour faire son nid, alors, je vous donne les trucs et astuces comme ça, mais j'imagine qu'on n'a pas trop de vanneau huppé qui nous regardent. Mais enfin, bon, on sait jamais. On a vraiment des oiseaux qui nous regardent, en réalité. Hein. C'est... Je sais pas. C'est la question à se poser. Hein. Attention, tous les trucs pour bien faire votre nid si vous êtes un vanneau IP. Donc, il faut choisir un endroit où vous avez un environnement qui est assez diversifié. Donc vous allez trouver une prairie, un truc, un environnement qui est assez ouvert, hein, parce que le vanneau IP, il est dans des lieux qui sont ouverts, c'est pas dans des forêts, c'est pas dans des trucs qui sont assez fermés, hein, en tant que milieu. On est parti sur un milieu très ouvert, une prairie, une plaine d'inondation, un truc comme ça. Et cette pleine d'inondation et cette prairie, il faut qu'il y ait une sorte de diversité dans son architecture. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits monticules de terre ici, là vous allez avoir des plantes différentes avec des petits buissons, des plantes plus basses, etc. Des trucs qui en fait vont un peu casser le fait d'avoir un truc tout plat sur lequel tu vas effectivement voir le nid. Donc incroyable. Les vanneaux huppés vont choisir un endroit avec une végétation diversifiée, avec des petits monticules de terre, avec des petits creux, avec des machins où, effectivement, tu peux te cacher. Et ils ont cette conscience-là, ils vont choisir cet endroit-là pour essayer de faire leur nid. Et pire que ça, ils vont aussi choisir les endroits qui sont pas trop élevés, pour ne pas être trop surélevés par rapport à la prairie, en général, pour qu'en fait, ils soient pas trop à la vue des prédateurs, pour que le prédateur ne se dirige pas intentionnellement vers un endroit qui soit un peu surélevé, tu sais, parce que souvent on va se diriger vers un truc comme ça pour bien voir en dessous. Bah là justement ils essaient d'éviter ces endroits-là parce que sinon c'est un endroit où de toute façon les prédateurs vont aller, donc on n'y va pas. Ils vont aussi essayer de trouver des endroits qui ne sont pas non plus trop profonds, parce que c'est pareil, c'est des endroits qui vont se repérer un peu plus facilement. Donc ils vont essayer de choisir leur nid vraiment en fonction de tous ces paramètres. Incroyable. Et aussi... en fonction, ils pensent, alors ça ils s'en sont pas encore sûrs, mais ils regardaient un peu l'intensité lumineuse et comment les œufs étaient camouflés au niveau de leur coloration et de toute la variété d'herbes et de buissons, etc. qu'il y avait autour. Et donc ils pensent que la coloration de l'environnement a aussi une influence évidemment sur le camouflage de ces œufs. Et ils pensent qu'il est possible, alors ça, là, par contre, les conclusions n'étaient pas absolument vraiment très très fortes là-dessus, mais il est possible que si ces vanneaux IP choisissent l'environnement en fonction de la coloration pour que les œufs se fondent au mieux dans le décor. Et je trouve, voilà, cette petite publication qui est... C'est pas une petite publication, c'est une grosse publication, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Et si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à la lire. Elle est publiée dans Ecology and Evolution, et elle est en open access sur le web, donc n'hésitez pas. Et vraiment, il y a beaucoup de contenu dedans, c'est très fourni, c'est très intéressant, on voit qu'ils ont bien bossé leur sujet. Et c'est très agréable à lire, en tout cas quand vous vous intéressez un petit peu à l'ornithologie, vraiment, c'est une publication qui m'a vraiment plu. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est très intéressant, et ces nouvelles technologies, l'inclusion de ces nouvelles technologies dans la recherche, vraiment, ça prouve que ça peut être un plus pour la recherche. Donc, on vous mettra les références en dessous de la vidéo ou du podcast, hein, de toute façon. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'était très, très intéressant pour moi. Voilà. Eh bien, le Vano OUP est remonté dans mon estime. Ah, parce qu'il était descendu. Vraiment. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avec le Vano OUP ? Mais je fais une tier... faut faire une tier liste des oiseaux, hein. On l'a dit, hein. Faut qu'on la fasse sur Twitch. Ah, c'est... carrément. Non, moi j'avais une vraie question parce que je dis pas que des bêtises. Enfin, je pas crois. Une question en plastique. Est-ce que toi tu te sers justement de ces nouvelles technologies dans ton domaine, ou tu as déjà eu l'opportunité de voir des équipes que avec qui tu as eu l'occasion de discuter déjà utiliser ces nouvelles technologies? À quel point ces nouvelles technologies impactent votre travail aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des nouvelles technologies, mais en tout cas, par exemple, pour tout ce qui est suivi d'oiseaux, on a tous les suivis GPS par exemple, on a tous les nouveaux petits moniteurs qui nous permettent vraiment de suivre les populations en migration, en déplacement, n'importe. Ça peut être inclus dans les nouvelles technologies parce que c'est des trucs qui vont inclure par exemple des mini panneaux solaires, des trucs comme ça pour être sûr de pouvoir transmettre l'information à un centre qui va collecter des données par exemple. Donc là on est sur de la nouvelle technologie en quelque sorte. Mais après j'ai pas travaillé avec de la reconstruction 3D comme ça, j'ai travaillé avec plus des petits moniteurs pour la température, l'humidité dans des nids, ce genre de choses. Mais reconstruire en 3D comme ça, j'ai pas encore fait. j'ai vu des drones pour le comptage des oiseaux notamment. Parce que là, il y a de la possibilité là, avec les nids de manchots et autres. Je me pose la question. Bon, il y a toujours de la possibilité pour inclure des trucs. Le problème, c'est que tout ça, ça a un coût. Oui, bien sûr. Et comme souvent, on n'a pas toujours beaucoup de sous. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais là, par exemple, je bosse avec des tortues marines et qui vont avoir des capteurs GPS qui vont être implantés sur elles. Bon, ça fait pas mal à l'animal, vous en faites pas, hein, c'est plus pour nous, pour savoir où est-ce qu'elles vont avec le changement des courants marins actuels, etc. Et ça, on est plus ou moins sur la nouvelle technologie, mais un seul de ces capteurs, ça coûte un bras, par exemple. Donc on peut pas vraiment se permettre d'avoir beaucoup de ces fancy equipment, ce genre de truc qui est vraiment à la pointe de la technologie, c'est pas toujours possible, donc... Bon, c'est bien d'avoir des recherches comme ça qui nous montrent qu'il y a ce genre d'éléments qui peuvent être inclus dans la recherche, mais nous, on n'a pas toujours forcément les fonds pour. Même si on aimerait bien les avoir, c'est vrai. Le problème de la recherche, hein, souvent, hein, c'est que avec de l'argent illimité, on pourrait faire un peu tout ce qu'on veut. Et oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas, j'espère que ces tortues écoutent le courrier de la Sterne. Puisque les vanneaux, visiblement, écoutent le courrier de la serre. Pourquoi pas les tortues ? Réponse la semaine prochaine. Amis humains et amis oiseaux, c'est la fin de cet épisode du courrier de la serre. Merci à vous de l'avoir suivi. Sophie, est-ce que tu veux rajouter un petit mot ? Non, bah merci à tous. Puis à la semaine prochaine. Effectivement, merci à tous, merci à toi encore Sophie. On rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science, on rappelle qu'on te retrouve également en stream sur Twitch, surtout le mardi, mais pas forcément que le mardi, il y a aussi d'autres jours où tu es effectivement disponible. Et la semaine prochaine, on aura l'occasion aussi d'annoncer de notre côté, on l'annoncera d'ailleurs directement sur la chaîne, le fait qu'on va faire, entre guillemets, une apparition quelque part pour parler de la migration des oiseaux. Bon, on vous en reparle la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Oui, d'ici là, exactement. D'ici là, n'oubliez pas de regarder l'émission en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube, sur Twitter pour retrouver les anciennes émissions. D'ici là, on vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne semaine et à la semaine prochaine. À plus.